Direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 8 de la saison 2015-2016 de la soirée du podcast Dossier Marc Bergevin. Alignement de départ pour le podcast de ce soir, le numéro 75, JF Crompe, le numéro 88, Alex Crompe et le numéro 31, JF Mallette. On est en infériorité numérique. On est en infériorité numérique aujourd'hui parce qu'on enregistre, on est un jeudi soir parce que j'étais pas disponible vendredi pour l'enregistrement. On voulait faire un épisode quand même, puis JF fait un bout qui me parle de faire un dossier Bergevin. Et on se saoule la semaine. Fait qu'on a une bonne raison pour boire le jeudi et chialer sur le Canadien dont la série de déboires se continue. Là, C'est décalissant, c'est pas le fun. Et on va aller faire sur ça l'avant-match. Alors, on va y aller avec les positions du pool de la soirée du podcast. Première position cette semaine, Doug Jordan. Doug Rimmer. C'est lui qui était premier de deux semaines? Ouais, c'est lui qui était premier. Il est en feu. J'ai même pas fait de mon échange au mois de janvier. C'est que c'est vraiment pas. Mais ouais, moi, je voulais le faire là pour mon mois de février parce que j'ai descendu calice. J'étais premier un moment donné. Deuxième position de la soirée du podcast, Alex Galipo. En troisième position, Sébastien Giacometti. Quatrième position, Alex Crompe. Et en cinquième position, le gars dont il y a deux prénoms, Stéphane Jean-Pierre. Ou Jean-Pierre Stéphane, on sait pas. Je pense que c'est Stéphane Jean-Pierre. Bon, également, moi, je suis Jeff Crompe. Oui, c'est moi, ça. En neuvième position, Marthe Véro, numéro 13. Sinon, après ça, on descend. Jeff Mallette, 37e et Dave, 39 sur 42. Ça va pas bien. Alors, on vous invite à aller faire votre échange du mois de février. Si vous avez Price, je vous conseille de peut-être l'échanger à un moment donné. Là. Ça se peut qu'ils finissent par dire que la saison à Price est terminée. Je l'avais collé. Faudrait qu'il fasse ça. Puis on vous invite encore une fois à suivre les mallettes enquêtes. Jeff, je suis en train de voir que t'es là aujourd'hui. Là, ouais, ça allait pas bien entre les deux derniers shows. Là. J'ai eu peur. Ouais. Finalement, c'était une vox où les gars avaient mangé du Amir? J'en ai aucune idée, ils m'ont pas répondu. Esti. Ça parle en iranien. Esti que je l'ai ri, celle-là. Ça sent le calice. Je suis dans une vox. Ça sent le calice. En tout cas. Fait que hashtag mallette enquête, allez voir sur notre YouTube la soirée du podcast. Tout est là-dessus sur notre Facebook ou sur Twitter. Suivez-nous partout. Bon, les gars, fait qu'aujourd'hui, on a une heure pour le podcast et puis on n'aura pas de période, pas d'entrée à rien. On va y aller directement parce que c'est un dossier spécial. Je pense que c'est JF qui va un peu leader le show aujourd'hui. Quand vous êtes prêts, les gars. Tu voulais-tu qu'on commence avec ton extrait sonore ou tu voulais pour la deuxième? Oui, parce que l'extrait sonore va juste mettre l'ambiance sur le beat. Alors voici l'extrait sonore. Je suis prêt maintenant. Fait que, ok, on va commencer avec un extrait sonore de Terrien qui date de hier, je pense. C'est ça. Fait que ça va résumer pas mal la situation, je dirais. Michel, vous étiez dans le match, vous avez laissé filer l'avance, les défaites se multiplient, il en reste 30 à jouer. À quel point ça peut être difficile de continuer à y croire pour vous autres? À y croire aux séries, là, tout ça. Là. Oh, on est très conscient que ça va être très difficile de faire les séries. Là. J'ai laissé le long silence à la fin. Ils sont respirés de gorge. Puis il faut pas oublier qu'il a dit très. Il a pas dit ça va être difficile, il a dit ça va être très difficile. Quand on a fait l'épisode 7... C'est juste être réaliste, là. On les fera pas les playoffs. Mais quand on a fait l'épisode 7 de la soirée du podcast, on avait eu aucune victoire entre les deux podcasts, puis je pense qu'on n'a pas eu d'autres victoires après non plus. Ben, contre Toronto, je pense, une victoire de justesse en shootout, ouais. Ah, c'est ça, là. C'est comme disait le gars là, sur Sportsnet, là, le fan des Leafs qui donne des consoles canadiens. Allez voir ça sur notre Facebook aussi, il y avait des bons points, ce gars-là. Ben, vas-y, JF, on va ouais, c'est... C'est décalissant. Fait que, mettons qu'on commence en l'année que Gauthier se fait mettre dehors. Jeff Molson. C'était qui l'autre coach avant? Connieworth? C'était Randy Connieworth. Ouais, c'est ça. Puis qui a remplacé Jacques Martin par intérim. Ouais, ouais. Fait que là, Jeff Molson demande de l'aide à Serge Chavard, un gars que ça fait 20 ans qu'il n'est pas dans NHL puis qui vend des hôtels puis des immeubles. OK? Il dit, j'ai besoin de toi pour que tu me trouves un directeur général qui va pouvoir faire la job. Directeur général. Moi, je parle comme eux autres à cette heure. Donc, tu veux dire ce poste-là ici, là? Moi, comme directeur général, je regarde pour améliorer l'équipe. Eh ouais, on parle directeur général. Fait que là, ils appellent du monde en ligne nationale, puis ils font des meetings, des entrevues, ça dure quasiment un mois, pour arrêter sur Marc Bergevin. Un gars qui n'a aucune expérience de directeur général dans la Ligue nationale. C'est lui que tu vas prendre pour relancer le club du hockey canadien. On était tous de bonne humeur quand c'est arrivé. Là, on dit, hey, Marc Bergevin, il a l'air le fun. T'sais, il se cachait dans un sac de hockey puis faisait peur à ses coéquipiers dans le temps. Il a aidé à bâtir les Blackhawks de Chicago, mais finalement, tout ce qu'il faisait, c'était de dire aux jeunes, tu joues bien, parce qu'il était juste dans l'équipe de relance, de développement. Il prenait pas décision. Ben oui, toi, t'es bon. Il faisait des push-ups avec les gars. Fait que ça, c'est le gars qu'on a choisi pour relancer le Canadien de Montréal. Alors, moi, j'ai sa feuille de route au complet. Ouais, arrêtez-moi ça déjà. Puis là, tu dis relancer parce que ça allait pas nécessairement bien avant que Marc Bergevin arrive non plus. Là. Il y a comme des pommes pourrites dans cette organisation-là depuis longtemps, j'ai l'impression, mais peut-être qu'on en découvrira avec ton dossier aujourd'hui. Là. Exactement. Fait que j'y vais comme suit. Le premier move de Marc Bergevin en tant que directeur général, mettons qu'on oublie là, qu'il a engagé là, Michel Therrien puis toute cette gang-là. En passant aussi, Marc Bergevin a engagé 10 personnes pour le conseiller à faire des moves. Puis ces personnes-là, c'est tous ses chums. Okay? Fait que là, quand Marc Bergevin fait un échange, il consulte 10 personnes pour voir s'ils font l'échange. Okay? Je vais juste dire ça de même parce qu'à un moment donné, je vais revenir là-dessus. En tenant la main à la carrière, comme on a déjà bien appris ici. Exact. J'espère que vous nous écoutez. Donc, le premier move officiel de Marc Bergevin en tant que directeur général du Canadien de Montréal, il a signé Travis Moen pour 4 ans. Une excellente signature, en passant. Il était déjà là. Il était déjà là, puis il prolonge, OK? Ouais. On s'entend que ça n'allait pas bien dans le temps de Pierre Gauthier. OK? On avait un noyau qui était mauvais. Je vais revenir là-dessus plus tard. Retenez juste ce que je viens de dire. On avait un noyau là, qui était mauvais. À ce moment-là, c'était qui? Là? C'était Gionta qui était capitaine? Il y avait-tu Camilleri? Camilleri n'était plus là. Camilleri a été échangé pour René Bourque. Et Gomez. Okay? Gomez est encore là. Ouais. Il a racheté le contrat de Gomez parce qu'à cause de la grève, on était capable de racheter deux contrats. Donc, c'est Camilleri ouais, et Gomez. Ouais, ouais, ouais, on commence à faire du ménage puis la masse salaire a baissé. Mais le premier move de Marc Bergevin, c'était de signer Travis Moen. Okay? Ça, c'est le premier move. Puis la raison qu'il avait donnée en conférence de presse, c'était on a besoin des gars comme Travis dans une équipe, on n'en a pas assez. Fait qu'il l'a signé à long terme, OK? Puis on a vu ce que ça donnait par la suite. Après ça... Oh, il y avait vraiment des bonnes performances, Moen, pour avoir un contrat de 4 ans de toute façon, tu sais. Ouais. Il a peut-être joué 2 ans, tu sais. Puis c'est ça, je pense, qui est arrivé. Donc, il y a eu le repêchage, on a repêché Galchenyuk, tout ça. Puis le pire, c'est que Trevor Timmons a tout fait pour convaincre Marc Bergevin de repêcher Galchenyuk parce que Bergevin voulait repêcher un défenseur. Ouais, parce qu'on n'a jamais trop de défenseurs. Et voilà. Comme le dit le bon Marc. On va l'appeler le bon Marc pour l'instant. C'est ça, puis... en tout cas, ça va changer dans pas long. Donc, le premier move de Marc Bergevin, le 1er juillet arrive. Qu'est-ce qu'il fait, Marc? Il signe Brandon Post pour 4 ans. 2,5 millions sur le capitre. C'est un bon move parce qu'on n'avait pas des gars comme Brandon Post. Puis le pire, c'est qu'il y avait plein de joueurs autonomes importants qui étaient là, puis c'est sûr que ça coûtait peut-être un petit peu trop cher, mais eux autres se sont concentrés sur Post parce que Michel Therrien est allé le rejoindre chez eux pour lui donner un chandail. Ça, c'était annoncé en conférence de presse. Je ne sais pas si vous en souvenez. Ouais, ouais. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est arrivé avec Brandon Prost? Dans le fond, je vais comme parler de ce move-là, puis aujourd'hui, avec le club actuel, dans le fond, qu'est-ce que ça a donné? Prost, on l'a échangé contre Zach Cashin. On n'aurait pas dû l'échanger, tabarnak. Ben, quoi on n'aurait pas dû l'échanger. On n'aurait pas dû échanger. Il y a eu des raisons. Ouais, mais il est dans l'AHL aujourd'hui. Là. On n'aurait pas dû l'échanger. Ce gars-là nous aurait aidé à nous redresser dans le vestiaire. Ben, c'est sûr que le gars, il était le fun. Le monde l'aimait dans le vestiaire. Ça, c'est aucun doute là-dessus. Le gars, il a la volonté aussi, là, ce qu'on n'a pas en ce moment. Le gars, c'est le genre de gars qui va faire une mise en échec qui va changer la game. Puis c'est comme un big brother dans le team. Eh oui, on n'en a pas des gars même. Qui va faire une mise en échec qui va changer le momentum de la game? Il n'y a plus grand monde qui reste, là. Desharnais? Il va plaquer les genoux. Lucas Alessio? Lucas, c'est lui qui se fait péter, justement. Lucas Alessio, il se fait sortir de la game, première game. Il n'y en a plus personne dans le Canadien. Il n'y en a pas qui va faire la job que Bégin faisait, d'aller brasser l'équipe, d'aller faire culer les défenseurs, d'aller faire l'échec avant, d'aller compléter mise en échec, d'aller faire changer la game. Il n'y en a plus. Il a changé parce qu'il coûtait cher, entre guillemets. Puis deuxièmement, parce qu'il était. Attention, il était supposément. Tu t'as dit qu'il coûtait cher? Ben, quoi, il voulait. T'es-tu que combien que Cajun gagne? T'es-tu combien qu'on a sauvé pour commencer dans cet échange-là? Genre 700 000? 500 000. Ouais, c'est ça. Ben, 0.5, esti. Anyway, mais les journalistes disaient ça. Oh, on a sauvé de l'argent. Non? Ben oui, 0.5, ben, tabarnak. Ça, puis il paraît que c'était une pomme pourrite qui amenait les kids à se péter à la face dans les bars de Montréal. Fait que là, on s'est dit, bon, on va l'écarter comme ça. Il n'y aura plus de distraction pour l'équipe. Est-ce qu'on a vu comment ça va bien avec ces jeunes? Ça a empiré, est-ce que... Hey, bravo, est-ce que... Ça n'a pas commencé. Puis Coco Devante. Mais où était Devante? Mais Chris, c'est tout un mouvement de se départir d'un gars qui a une valeur pour des raisons de marde qui font que c'est maintenant pire. Puis là, maintenant, tu peux plus l'avoir, ce joueur-là. Tu sais, même s'il y avait... Il aurait pas pu réclamer ce joueur-là. Au il aurait eu l'air épais d'avoir l'air de Nesty clown. Mais Pross, il l'aurait retenu, lui, Chanel, à la Suski, là. D'après moi, Pross, il avait de l'expérience pour sortir parce que le gars était avec les Rangers d'un côté. Puis ouais, les Rangers, lui, c'est... New York, c'est quand même... Ça brasse pas mal là-bas aussi, en dehors, j'imagine. Là. Ben, c'est sûr. Mais après ça, on sait tout ce qui est arrivé avec Cajun. Et puis on a échangé Zach Cajun pour Ben Scrivens, ouais, qui a une moyenne de 4 buts par game puis une moyenne d'efficacité, je pense, de 870. Mais il n'était pas si pire que ça, Tokarski. Hein, c'est... Il avait des meilleurs stats que lui, Chris. Puis Tokarski avait gagné une game c'est en plus. C'est décalissant. Puis la game qu'il avait gagnée, c'est quand on était allé. Fait que dans le fond, ça, c'était le premier c'est mot Tokarski de Benjamin. C'est Gaulé qu'on est allé? Oui. J'étais chaud en crise, mais je me suis dit que c'était lui parce que j'étais en crise avant qu'on aille voir la game à cause de ça. Donc, premier move de Benjamin, Brandon Prost. Qu'est-ce qu'il a fait avec Prost pour en arriver là aujourd'hui? Il a échangé contre Zach Cajun, ça a fait de la merde, puis après ça, il était cherché Ben Scrivens. Ouais. Donc, bref, ce move-là, c'est devenu de la merde cette année. Ensuite, ce qu'il a fait, il a signé Francis Bouillon, un an, 1.5. Et puis, il a signé Colby Armstrong, qui venait de se faire colisser dehors de Toronto. Il l'a signé pour un an, 1 million. Je m'en rappelais plus. Moi non plus, je m'en rappelais pas. Mais Bouillon, Bouillon n'a rien à dire contre ça. Bouillon, il a fait sa job. 1 million. Mais, OK, on s'entend qu'on n'a pas eu une bonne saison en 2012. 1 million, c'était un vétéran, puis il y avait des kids défenseurs, puis c'était une bonne affaire que ce soit là. Ben, quand tu signes un vétéran comme Bouillon, oui, c'est vrai que dans le fond, c'est bon, ça va stabiliser la défensive, mais c'est parce qu'à un moment donné, t'es jeune, faut que tu leur donnes de l'expérience. Ouais, mais faut qu'ils en encadrent non plus, tu peux pas les laisser lousses de même sans. Il n'y avait pas de modèle dans le temps, vraiment. Tu peux pas dire que Bouillon faisait 25 minutes par game, là. Bouillon joue quasiment 20 minutes par game, mon ami. Mais non, arrête. Hein. J'ai pas les stats, malheureusement. Sors les stats. Bouillon, là, c'était le chouchou à Michel, puis il faisait jouer en désavantage numérique en plus. C'est là qu'il peut aller chercher son 20 minutes. Je me souviens plus c'était quoi exactement. Il y avait Subban qui était là, il y avait Markov, fait que c'était Subban, Markov. Ensuite, il y avait Georges qui jouait. C'est à quelle année qu'il est arrivé, Benjamin? En 2012. OK, ça fait pas si longtemps. Non, c'est ça. Attends, là, la merde commence. Ensuite. Qu'est-ce qu'il a fait, notre ami Marc? Ça, c'était, mettons, avant que la saison commence, OK? Ensuite, ce qu'il a fait, c'est à ce moment-là, il avait signé, il a donné un bridge contract. Excusez-moi, je manquais de la voix. Il a l'air roté. Jeff s'endort devant ses stats. Son Whopper va sortir. Fait que là, après ça, durant la saison, OK? La saison commence, elle a été courtée, 48 matchs. Premier trade officiel de Marc Bergevin. Il échange Eric Cole, qu'on se rappelle, à ce moment-là, il avait dit que ça était quasiment plus de jouer, oh, de pratiquer, il était comme écœuré. Il était écœuré de faire des high-fives au ref quand il scorait. C'est ça. Contre Michael Ryder et un choix de troisième round. Okay. Ah oui, Ryder, c'était son... Est-ce que vous l'avez aimé, cet échange-là? C'était Non, pas vraiment. C'est vrai que Ryder a fait fuck all quand il est revenu. Dans la saison, ça a bien été, mais dans les playoffs, il est devenu Michael Ryder. Ouais, c'est ça. Il est revenu le Michael Ryder qu'on connaissait. C'est ça. Fait que qu'est-ce qui est arrivé avec ce move-là pour commencer? Michael Ryder, probablement, était agent libre. Fait que dans le fond, ça veut dire que t'as comme voulu sauver l'argent de Eric Cole, qui est à peu près 6 millions sa masse salariale. Ouais, t'es cher. Puis après ça, mais cet argent-là, j'imagine qu'il faut que tu l'investisses parce que c'est ton top 6, cette affaire-là. Hein? Fait que l'argent qu'on a sauvé sur le deal de Eric Cole, on a signé Daniel Brière. Ah, un autre excellent move. Pour 2 ans. Un beau... Il venait de se faire mettre dehors en plus des Flyers. Okay? On est bon pour aller chercher les scraps des autres teams qui se font mettre dehors. Hein? Ah, il y en a d'autres. Donc, c'est le début. Là, puis ça n'a pas marché avec Brière. Il ne s'attendait pas avec Michel Therrien. Ça, on ne le cachera pas. Les deux saillissent. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, Brière, il reste 1 an dans son contrat à 4 millions par année. On va chercher P.A. Paranto, est-ce qu'il reste un autre 2 ans pour le même calice de salaire. Qu'est-ce que ça a donné Paranto l'année passée? Rien, il se fait couper les cheveux à Coco puis se fait couper les cheveux à Toronto. Ben, c'est ça, puis il a pris du poids durant l'été. Fait que là, ça n'a pas marché encore. On rachète Paranto, ça va nous coûter 1,33 million sa masse salariale pour les 3 prochaines années. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on a sauvé sur son contrat? On signe Semaine 1 an, on le calice dehors. Puis après ça, après comme fini. 10 games. Fait que dans le fond, t'es changé, mettons, t'as comme un tour dans ton top 6 en échangeant Eric Cole. Tu vas signer Brière, ça marche pas. Tu vas l'échanger pour Paranto, ça marche pas. Tu rachètes Paranto, tu signes un autre gars, ça marche pas. Fait que là, tu te retrouves avec un trou dans ton top 6. Avez-vous oui. quelque chose à dire là-dessus? C'est pas mal un bon résumé à date, là. Tabarnak. Y a-t-il quelque chose à dire? Ben, oh, je peux racheter d'autres choses si vous voulez. Ben, c'est... Faut pas oublier qu'on a eu un choix de troisième ronde cette année-là aussi pour cet échange-là. Habituellement, les choix de troisième ronde, ça peut être pas méchant. On était chercher. Là, c'est sûr qu'Alex Alipo va m'engueuler parce qu'il dit ouais, si tu dis des affaires sur le vrai pêcheur, je t'ai pas crédible. Je vais juste dire ça. Okay? Il est pas là pour chialer contre toi. Fait il va me le dire sûrement plus tard. On aura des excuse-moi, extraits. Excuse-moi, Alex. À l'épisode 9, on aura des extraits de cet épisode-ci. Ouais. Alors, le choix de troisième ronde. Bergevin a engagé plein de monde. Bergevin. Okay? Il a engagé des dépisteurs partout sur la planète, puis il les a tous envoyés, tout partout. Ah, mais on sait, c'est quoi aussi le motus operandi de Bergevin, en fait? Hier, je me suis couché, puis j'ai eu un rêve. Tout part de là avec Bergevin. Lui, il faut qu'il ait des rêves. Il dort en tabarnak. Ben là, je pense qu'il y a eu un trip de bouffe cette journée-là. Parce qu'au repêchage, le choix de troisième ronde est devenu Corner Crips, un genre de palette de chocolat. Ah, oh, le joueur avec les noms les plus délicieux de la ligue. Oui, puis le pire, c'est que ce gars-là avait 20 Coffee ans. Coffee Crisp. Il a été deux années avant dans le repêchage. Personne ne l'a repêché. Il est encore admissible, puis il va le chercher en troisième ronde. il a joué combien de matchs avec le Canadien, lui? Aucun. Puis je pense qu'il est sur le bord de... Ah, puis le pire dans tout ça, c'est que ce que je peux rajouter, c'est que Corner Crips, attendez dans mes notes... Crips ou Crisp? Crips ou Creep? Crisp. Crisp. Who gives a ouais, shit? Crips. Crisp. Connor, who gives a on shit? On lui donne un contrat de 3 ans, un entry-level contract à 2,4 millions de dollars. Ça, c'est un contrat que tu donnes un choix de première ou deuxième ronde habituellement. Ben, c'est pas le minimum, 800 000. T'es pas obligé de donner 800 000 à ton jeune, tu peux donner non, 500 c'est maximum, 000 minimum. Première année, maximum. Ah, maximum, ok, excusez-moi. Il donne 2,4 entry-level contract. Tu peux lui donner une Coffee Crisp. Il y a 20 ans, puis le gars, il est tagué comme étant genre un genre de grinder, là, tu sais, tu repêches en troisième ronde. Fait on avait deux choix de troisième ronde à ce moment-là. Le choix de Dallas, c'est à donner qu'on a pris Corner Crips. Et quelques rondes plus tard, les Rangers de New York ont repêché Anthony Duclair, qui était pour les Remparts de Québec. On sait tous qu'Anthony Duclair, c'est un gars qui est 6 pieds 2, il joue à l'aile, puis il va bien avec les Coyotes de l'Arizona. Fait que ça, je pense qu'ils ont manqué quelque chose. Si tu repêches un Ontarien qui a un estime de nombre dégueulasse... Il y en a-tu un qui va dire à Timmins qu'il se couche ici? Timmins, lui, sa job, c'est de donner des suggestions à Bergevin. Puis Bergevin. C'est que de la merde. Moi, OK, moi, je prends ça. Puis si Timmins, il n'est pas d'accord, il faut qu'il supplie Bergevin. Fais pas ça, Asti. Sauf que Bergevin, il s'en va voir ses 10 chums, Asti, qui sont tous chauds en arrière de lui pour lui dire hey, les gars, on fait quoi? Puis après ça, Bergevin, il prend la décision. Il regarde toujours Rick Dudley pour voir qu'est-ce qu'il fait. Puis Rick Dudley, le pire, c'est qu'il a les yeux croches, tabarnak. C'est pour ça qu'il n'a pas des lunettes. Fait qu'il pointe pas toujours dans la bonne direction. Fait que ça donne des choix douteux de même. Puis là, on est juste en 2012, les gars. Qu'il y aurait des meilleures directions s'il demandait à Bob Horry Dudley à la place de Rick. Et voilà. Tu dis que son entourage, tout le monde est chaud, là. Ouais, attends, je pense qu'il y a un scoop ici. J'ai un petit potin. Oh! Oh! Okay. Tabarnak! Bergevin. C'est un alcoolique. Je suis pas surpris. Ouais, il est tout le temps chaud. Il s'en va dans les restos et se commande plein de bouteilles. C'est vrai que ses joueurs sont tous à la poudre. Il y a un de mes chums qui l'a vu dans un resto. Il y avait plein de bouteilles. Il était chaud comme une botte. Est-ce que c'était un soir de défaite? Ben, Marc était réputé comme étant comme joueur de hockey, comme un gars qui faisait le party solide. Là. Ah ouais? Oui, il avait cette réputation-là. Fait que c'est pour ça que le monde a dit Chris Marc était pas mieux. Ah ouais, lui... il s'est même marié avec sa belle Linda cette semaine sur Facebook. Ah, selon Hockey 30. Les hosties de blogueurs, tabarnak. Le compte, c'est un fake. On est checké même les amis, genre du monde, ça comme pas rapport, tu sais. Mais ouais, paraît qu'il est. Paraît qu'il est. C'est la poisson. Il y a un whisky dick, paraît. C'est ton ami qui t'a dit ça aussi. Non, ça, je sais pas. Il a le coude léger, il lève le coude pas mal. Puis, il plie du milieu. Il plie du milieu, puis les genoux, il lâche. Mais en tout cas, paraît qu'il est fort sur la boisson. Ouais. Ben, là aussi, ce que je peux rajouter, dans le fond, aussi, dans ce stade-là, mettons qu'on... Il est chaud. Le tabarnak, il fait des erreurs, là, c'est ça. Fait que là, c'est l'erreur du troisième choix. Après ça, on repêche Andy Ghetto. Fait que imaginez si on aurait eu Andy Ghetto. Fait que ça, c'est... Ouais. Fait que ça, c'est le move que Bergevin a fait durant la saison. Puis, à date limite des échanges, il était cherché Davis Drewski. Contre un choix de ah oui, Drewski, ah oui, calvaire. Oui. Et puis Davis Drewski, les amis. Là. Hey, je m'en souviens pas longtemps, non, tant que ça. Il n'a pas joué beaucoup. Ouais, là. Hein. Après ça, Bergevin, pendant l'été, il l'a remercié en donnant un contrat de 2 ans à 1,275 millions. Puis Bergevin, dans cette année-là, ce qu'il a fait, non seulement il avait signé Mowin, là, mais il avait donné des bridge contracts à Yemlin, qui était correct, 2 ans, 4 millions. Il a donné un bridge contract à Lars Eller, 2 ans, 2,5 millions. Raphaël Diaz, Blake Geoffrion. Et puis le bon move, c'est qu'il a signé Max Pacioretty pour 6 ans à 27 millions, ce qui fait un 4,5 par année, ce qui est pas cher pour un marqueur de 30 buts. Il est comme 1,5 million en bas de la moyenne en ce moment. Exactement. Puis David Clarkson gagne plus d'argent que lui, selon ce que notre ami de Toronto nous avait Toronto dit. Toronto à Sportsnet, ouais. Là où ce que le monde capote un peu, c'est que Subban a signé pour 2 ans à 5,75. Il a signé son bridge contract. Mm-hmm. Est-ce qu'on aurait dû signer Subban tout de suite pour 6 ans à 7 millions comme qu'il voulait, ou on a bien fait d'avoir attendu un peu? Mais c'était dur à gamble. C'est un gamble, ça. Le gars, tu savais pas qu'est-ce qu'il y avait dans le ventre. Il aurait pu ne pas avoir de classe, puis pas avoir d'été de travail, puis vraiment un chier dans NHL, le Subban, avec son attitude. Puis non, finalement, on s'est rendu compte que c'était un gars qui a une bonne éthique quand même. Là. Puis il a répondu avec le Norris cette année-là. Mais oui, c'est une peste, mais qu'est-ce qu'on est content de l'avoir, Subban. Là. C'est ça. OK, fait que c'est juste une question de même que je peux poser. Alors, moi, j'ai rien à dire contre le contrat de Subban, pour vrai. J'ai pas été... Il a mal joué un peu cette saison, mais qu'est-ce que tout le team joue mal? C'est pas de sa faute à lui, nécessairement. Là. Ben, puis il y a des beaux suits mauve style, avec des petits chapeaux là, de gangsters. Des manteaux de poils. Non, mais qu'est-ce qu'il fait des erreurs cette année? Asti, avec la poche, il fait des choix intelligents. C'est le numéro 1, les revirements dans la ligue. Je pense que Subban, son problème, c'est que quand on perd dans une game, il va trop en faire. Fait que c'est ça le problème. Si on gagnerait plus souvent, je pense que Subban fitterait mieux dans l'organigramme. Ouais. Ben, en tout cas, dans le système, j'imagine. Là. Fait que ça complète la première année de Marc Bergevin. C'est une crise de bonne année. Fait que là, ce qui est arrivé, ça finit avec... C'est un golf. Dans le fond, on finit premier dans l'Est. On s'en va contre Ottawa. Ottawa. Et on perd en première ronde. Puis le quatrième match... Il y a 5 gars qui jettent les gants à la glace contre les 5 gars d'Ottawa, puis on mange 5 volées. Oui, ah oui, c'est... Okay, tout le monde se souvient de ça. Puis ouais. Price se blesse entre-temps. Puis on se fait éliminer. Ouais. Fait que là, on... Tu sais, là, l'affaire là, que moi, je me suis toujours posé une question, là, c'est... On aurait-tu dû repartir l'équipe à zéro la première année ou on continue sur ce que Pierre Gauthier a bâti avant? Tu peux... C'est dur à dire pour vrai, ça. Ça dépend à qui est disponible sur le marché. À date, ça ressemble à quoi, ça? C'était qui qu'il y avait à Gauthier? La plupart sont tous plus là, je pense, en ce moment. Là. Ben non, cette année-là, dans le fond, il a juste mis Gomez dehors puis Caberlé dehors. Puis après ça, il a comme rajouté du monde autour du noyau que Gauthier a bâti. C'est ça qu'il a fait. OK? Donc, vient le deuxième été de Marc Bergevin. Quand il faisait des setups cette année-là. Ouais. Donc, cette année-là, le gros move qu'il a fait au cours de l'été, il a signé Douglas Murray à la fin de l'été. Avec lui puis son gros coup, il a une extension de contrat. Là. Un an, 1,5 million Douglas Murray. Fait qu'encore là, tu signes un vieux vétéran. Puis là, oublie pas qu'on a Beaulieu puis on a Tanner Dale. Il y a tellement de noms que tu as dit qui sont plus dans le Canadien en ce moment. C'est terrible. Mais c'est tout l'argent qu'on a comme pitché par la fenêtre. Ouais. On aurait-tu dû donner la chance à Tanner Dale à place de signer Murray? Ben oui, il faut que tu fasses voir de la NHL, ces gars-là. Même si Murray il est imposant puis il est gros. Tanner Dale pas petit, me semble. Ben c'est le même profil. Puis Tanner Dale, on l'a pas repêché comme super haut, lui, en plus. Là. Ben, dans le fond, on avait changé un choix de première ronde et deuxième ronde pour monter un petit peu plus haut au repêchage pour l'avoir. Mais ça, c'était dans le temps de Gauthier. Là, on va chercher un gars comme Douglas Murray que personne ne voulait. Puis ça, ce gars-là, on l'a signé au mois d'août. Tu sais, à un moment donné, là, dans la Ligue nationale, là, selon les experts, moi, j'aime beaucoup Bob McKenzie parce qu'il connaît ça. Un défenseur, ça prend au moins 300 games avant de savoir ce qu'il peut te donner pour le reste de sa carrière. À Montréal, on dirait que 300 games va faire ça en 10 ans, un jeune. Ben, c'est parce qu'on n'a pas de patience avec les jeunes ici. Ils toussent et ils renvoient au ice cap. C'est-tu la pression qu'il faut absolument gagner à Montréal? Je pense qu'à un moment donné, le monde, ils vont comprendre. Je suis pas sûr tant que c'est la pression de gagner à Montréal, pour vrai. Là. C'est... Ben, moi, je pense plutôt que là-dedans, Francis Bouillon, là, ça sent Michel Therrien, cette affaire-là. Je pense pas pour vrai que c'est les joueurs qui sentent la pression. Je pense que c'est le coach et le DG qui sentent la pression, qui font les moves avec les jeunes. C'est pas tant les jeunes qui font les erreurs parce qu'ils ont de la pression sur eux autres. C'est plus en haut d'eux autres, j'ai l'impression. Là. Ouais, parce que les autres disaient faut gagner. Puis selon Dr. Kron. Faut que ça paraisse bien. Là. Fait que là, encore là, un autre vétéran qu'on signe. Un autre vétéran qui ne fait que passer. Ensuite, ce qui est arrivé, c'est qu'au cours de l'été, Marc Bergevin fait un échange. Il échange Danny Crisseau contre Christian Thomas. Christian Thomas, on l'a échangé pour Lucas Lessio. Lucas Lessio a mangé un coup de poing sur la gueule contre les Flyers. Non, il a mangé un coup de genou à la jambe. Puis là, on sait-tu s'il est blessé. Ben, il a comme poussé le gars dans le vide, puis ben, ça n'a pas marché. On mais... s'en calisse, on est oui. Fait que c'est comme un trade. Tu sais, qui ne servait à rien. Puis Danny Crisseau, on savait qu'il était spécial. Puis Thomas, la raison qu'on était cherché, c'est parce que son père, c'était le chum à Marc. Puis il est rendu où, Thomas, en ce moment? Il est rendu en Arizona. Donc, c'est ça qui est arrivé. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'a fait notre ami Marc au cours de cette année-là? Les signatures qu'il a faites, ce sont pas là, ben long, parce qu'il a quasiment rien fait cette année-là. Alors, Yemelin a joué un an. Il signe Emelin, extension de contrat de 4 ans à 16,4 millions. Yemelin, il joue où, là? sa troisième paire. Il est dégueulasse. C'est ça qu'a fait Marc Bergevin. Il n'y a pas eu un gros été cette année-là. Fait que ça, c'est les moves que Marc a fait. Après ça, il a juste signé des gars pour Hamilton. Commence le ensuite. Si tu m'enchaînes, je vais tomber en dépression. Ouais. Ben, c'est sûr. Donc là, là c'est la... sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Si je me trompe pas, dans cette année-là, ça se peut que je me mêle dans mes notes, là, mais on a échangé Philippe Lefebvre et un choix de 7e ronde. Philippe Lefebvre? Oui, un jeune qu'on avait à Hamilton. Et un choix de 7e ronde pour George Parros. Ça, c'est pourquoi qu'il a fait ça, Marc? C'est parce que vu que les gars, ils ont mangé une volée, ils disent oh, « Bon, on va aller chercher George Parros. » La robustesse. Si t'es arrivé avec Parros, un coup de poing tombé à la face à la glace. Premier game, c'est un flop total. C'est-tu qu'on flop, là? C'était effrayant les dernières années. Hein? Ah, sacrément. Tous les moves, c'est des flops, on dirait. Attends, là, c'est le début. Là. Ah, je suis déprimé, calice. Hein? Le bon move de Marc, je te dirais que c'est le meilleur échange qu'il a fait depuis le début à date. Je te dirais, mettons, si on est rendu là, c'est le meilleur move qu'il a fait depuis qu'il était en poste. Il a échangé Diaz contre DeLuis. On sait que DeLuis, ouais, c'était un bon mot. C'était un beau mais geste. Mais c'est un game ball. DeLuis n'avait pas une réputation d'être asti. C'est là que tu vois que tes dépisteurs, là, ils ont un rôle à jouer. Eux autres, il faut qu'ils dénichent des gars qui sont quasiment pas connus, qui jouent quasiment pas, puis il faut qu'ils s'aperçoivent. OK, garde, je pense qu'avec lui, on pourrait claquer un home run. Là. Fait que c'est pour ça qu'il a engagé tous ses chums pour aller faire le tour des arènes. Chums de brosse. Alors, on continue. Là, tu es pendant la saison 2014. OK, là, ça, c'est l'année olympique, si je ne me trompe pas. Oui. On échange durant la saison. Steve Coallier contre Robert Zaznik. Steve Coallier? C'est qui? C'est quoi ça? Il fait des trades pendant la saison. Asti, des gars de Ligue américaine, sacrement, asti de calice. Là, ça joue au hockey. On va pas bien. On est dans un slum. On s'en va dans l'Ouest. Puis tu fais ça comme move. Hey, bravo. Puis Robert Zaznik, c'est un défenseur en passant. Et ensuite, il échange un choix de 5e ronde pour Mike Weaver. Ça, c'est à la date limite des échanges. Il y a bien beau dire qu'on n'a jamais assez de défenseurs. Il y en a fait en crise, puis on a une astuce défensive de marde. Et voilà. Il jouait à quelle position, Bergevin, dans le temps? Avec les Whalers? Il était défenseur. Il était défenseur, ouais, c'est ça. Il a toujours été défenseur. On dirait qu'à chaque année, il veut chercher une version de lui-même. Genre, c'est comme l'accueil Bono, esti. Il veut toujours engager un gars qui est pourri, puis il va le payer avec des millions après l'accueil ça. L'accueil Bono du hockey. Mais Galchenyuk en défense, ça va être pareil, esti. Coco, Galchenyuk. Sur le Coco, il va faire son repli défensif en esti. Et à date limite, en surprenant tout le monde, après à 3h pile, genre à dernière minute, il échange Sébastien Colbert et un choix de 2e ronde pour Thomas Vanek. Faut pas se le cacher, Vanek a fait une bonne job durant la saison. La saison, ouais. Comme qui on a dit tantôt qui a chié dans les playoffs, puis qui était correct en saison. Ryder, ouais. C'est ça. Vanek, ça a été un peu pareil. Vanek allait bien parce qu'il jouait avec Pacioretty puis Dernay. Puis ça, c'est du terrien tout craché. Vanek a joué toute sa vie à l'aile gauche. Toute sa vie. Terrien, il met à l'aile droite. C'est moi, ça me pue au nez, ces affaires-là. Ouais, mais c'est pas un dossier terrien qu'on fait. C'est un dossier non, je sais, mais c'est juste pour te dire que ça me fait chier. Alors, qu'est-ce qui est arrivé pendant les playoffs? On joue contre Tampa. On gagne en 4 games. Donc, ça va bien. Là. On élimine Tampa Bay en 4 games. On n'avait jamais vu. Je pense qu'on a depuis 93, on n'avait pas vu. Ouais, puis là, on était comme. Est-ce qu'on était confiant, là? Hein? Là, on affronte Boston. Puis là, c'est là, on est prêt. Est-ce qu'on va y planter Boston? Michel, vu qu'on perd une game à Boston, Vanek score un but, une passe. À ce moment-là, si je ne me trompe pas, la passe, je ne suis pas sûr. Là. Il met Vanek avec Plekanec. Vanek ne produit plus. Vanek n'est plus. C'est fini. Et Vanek est disparu. Et Vanek est en crise. Puis Vanek, il a même dit récemment, en entrevue, parce que les journalistes en profitent toujours pour essayer de trouver de la boîte sur Terrier. C'est sérieux, il a dit, je comprends pas, je jouais bien avec Davy puis Maxou. Davy puis Maxou. C'est une belle brochette de fif, ça. Puis il dit, après ça, il me change de trio, puis il met sa 4e ligne. Fait que, fuck you, esti. Le fuck you, c'est moi qui l'ai rajouté, mais ça voulait tout dire. C'était un sous-entendu, c'était comme un non-dit dans son temps. Puis on remarquera toujours que chaque joueur qui se fait échanger, c'est tout le temps faux du coach. Tout le temps. Paranto le dit, Bourque le dit, Vanek le dit. Paranto, et à chaque équipe qui fait sa faute du coach. Bourque, Tabarnak. Cette année, il louange Babcock. Là. Il dit, oui, Babcock, il m'a donné ma chance, puis tout ça. Pis, il m'a fait couper les cheveux. Et même que le monde pense que Paranto pourrait se faire échanger contre un haut choix repêchage. Mais tabarnak, pour Toronto. Est-ce bon, vraiment, Paranto? Il a dépassé ses stats l'année passée. Je pense qu'il y a à peu près une dizaine de buts, mettons autour de 25 points à date. Puis il joue sur le top 6 de Toronto. Pendant que tu fais ta recherche, GF, je veux juste aussi rejeter qu'on a été chercher Devin Dubnyk cette année-là. Price, il était blessé après les Olympiques. Okay? Il a comme manqué 2-3 semaines. Ouais. Fait qu'on va chercher Dubnyk en backup. backup. Puis Dubnyk, finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'on voulait l'inviter dans les Black Aces pour les séries. Dubnyk, il dit « Chris, c'est Price qui est devant moi. Il dit « Fuck you, je vais aller voir ma femme, elle va accoucher. » Fait que là, l'organisation du Canadien a trouvé ça cheap shot de sa part. Fait qu'ils ont dit « Décalisse, Dubnyk, on ne veut plus rien savoir de toi. » Dubnyk est rendu aujourd'hui? Il est premier goaler, non? Au Minnesota. OK, fait que c'est juste pour te montrer que des fois, il y a des décisions douteuses qui se font dans l'organisation. Alors, mon GF, as-tu des stats sur P.A. Parento? Ben, la fois qui est drôle, c'est que j'étais dans l'application de NHL, puis j'ai cliqué sur le nom de P.A. Parento, puis ça m'a dit « Ouf, on ne trouve pas votre page ». Fait qu'il est tellement mauvais qu'il n'y a même pas de stats sur, sur NHL. Je sais pas, non, ça marche pas, là, mon affaire, malheureusement. Là, cette année-là, on s'en va en finale de l'association contre les Rangers. Price se fait blesser en premier game. Puis après ça, mais on réussit tout de même à gagner deux parties. Tokarski, goal au-dessus de sa tête, et puis on se fait éliminer au troisième tour. Là, Vanek, qui était dans ton top 6, qui a amené quand même la profondeur dans tes attaquants, on laisse partir, c'est correct, parce qu'il demandait une fortune. Puis il voulait plus jouer ici, Vanek, de toute façon. Il fallait que tu trouves quelqu'un pour pouvoir le remplacer, par exemple. Il n'a jamais été remplacé. Jamais. Les joueurs qu'a signé au cours de l'été, notre ami Marc. Il a prolongé Mike Weaver pour un an. Mike Weaver, as-tu joué l'année passée? L'année passée, sûrement. Il a joué peut-être une douzaine de games, puis après ça, ils l'ont benché tout le reste de l'année. Ouais. T'as signé un autre vétéran pour un an. Tu sais, on a eu Murray, Bouillon. Chris, les jeunes, à un moment donné, il faut qu'ils jouent Calis. T'as signé Weaver pour un an, tu lui donnes 1,75 million, mais tu le fais pas jouer. Puis à un moment donné, il y en a un problème, là, quatre parts. Hey, j'ai dit, excusez les stats à Parento. Vas-y. Alors, Parento, cette année, 49 parties de jouer, 12 buts, 12 assists, 24 points moins 3, 26 minutes de pénalité. Puis il joue pour Toronto. Il joue 16 minutes 9 par game. C'est plus qu'à Montréal. À Montréal, il joue même pas 10. C'est ça. Okay. Moins 3, 24 points. Pas si, là, les Lansales vont dire... Le coach. En tout cas. Donc, après ça, Mike Weaver, on signe. Les moves de Bergevin. On vient de perdre Vanek, qui était sur le top 6, puis il allait bien. On signe Manny Malhotra. Ça a fait la job, OK? Ça, c'est le premier move. Pour les mises en jeu seulement. Bergevin, il a parti la journée des joueurs autonomes, puis il signe Manny Malhotra. Là, tu pars, là, tu signes un gars qui va piloter ton quatrième trio. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu as échangé Georges, OK? Tu as voulu sauver de l'argent pour Georges contre... un choix de deuxième ronde en 2016 qu'on a cette année. L'argent que tu sauves de Georges, qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Il signe Tom Gilbert. Tabarnak, je t'amuse. Il reste combien de temps au podcast? Il reste comme 15-20 minutes. Là, c'est... Tom Gilbert. On va parler d'autre chose. On va parler des All-Stars de John Scott. Puis on sait tous l'histoire que Josh Georges a refusé une transaction avec Toronto. Le joueur convoité à Toronto, c'était Cody Franzen, un droitier un petit peu plus gros. Là, cette année, Franzen, il joue pour Buffalo, puis ça donne pas grand-chose. Mais veut pas, moi, je pense que Franzen est meilleur que Gilbert. Il n'y a pas grand monde qui sont plus poches que Gilbert. Il est pas mauvais, il est juste pas bon. Oui, exact. C'est vrai, ça. Mais pourtant, on signe pour 2 ans, 5,6. Donc, cette année, il devient joueur autonome. J'espère qu'il ne signera pas encore. Ah, ça serait terrible. J'espère, estime, parce que moi, le batte. On va y rentrer sur un gros dos dans le péteur. Et ensuite, il signe Jiří Sekáč. 2 ans, 1,35 million sur le cap hit. Qu'est-ce qui est arrivé avec Sekáč? Ça a l'air qu'il a fourré la maîtresse de l'autre. Je m'en calisse. Là, c'est compte. On l'échange pour Smith Pelly. On sauve encore de l'argent. On sauve à peu près 500 000 encore. Au moins, Sekáč, c'est pas bien fait avec les Ducks. Puis, tu sais, Chris, il jouait sur le premier trio au début, me semble, Sekáč. Fait que celui-là, tu sais, pas si mauvais. Mais où était Devontae, par exemple? Il est pas souvent là. Il était souvent dans les restos fast-food, là, mais... Il a mangé du poulet popcorn, puis... Même Terrien, tu sais, ton directeur général va te chercher Miss Smith Pelly, puis 2 semaines après, Terrien dit, le gars, il est pas en forme. Les dépisteurs faisaient quoi, c'est-tu? Il était sur la brosse avec Bergevin. Hey, check-les! Ceci explique cela. Eh oui. Fait que... Ensuite, qu'est-ce que Marc fait? Il signe Joey McDonald. Un gardien. Il signe... Drayson Bowman. Drayson. J'ai pas mis l'argent parce que c'était tous des moves de merde. Fait que j'ai pas été jusque-là. Je joue Google. Puis je pense que Google avait pas l'info. Google refuse de donner l'information. Après ça, vient la période de l'arbitrage. C'est pas fini encore. Non, non, il y a du stock là-dedans. Bergeron, il a fait des moves de marge. Ah, vas-y, clenche une coupe, là. OK. Lars Eller, il était tagué à 1,1 million selon la Ligue nationale, puis son agent demandait 4. On le signe pour 4 ans, Sti, pour 14 millions. Lars Eller. OK, ça, c'est beaucoup d'argent, là. Ensuite, ça me fait encore plus chier. Marc Bergevin voulait faire son tough. Il voulait rien donner à Subban. Puis Jeff Molson, il a dit, hey là, tabarnak, signe les calices. On signe Subban, qui était selon moi un bon move à 9 millions par année. Il redonne en plus, lui, Subban. Là. Il fait de la philanthropie à Montréal. Il est bien correct. Là. Pour moi, j'ai rien à dire contre Subban, son contrat. Non, on a c'est ça le meilleur move à Bergevin, en fait. Je pense que c'est Subban. Ben, on peut dire merci à Jeff Molson parce que c'est Molson qui a comme, hey, fait quoi, tabarnak? ensuite Ah, Yannis à 15 de 24 à Bergevin, elle a fait quoi d'avoir un mettons si, si. On attend avant qu'on arrive là, là un petit sac de coucou de milieu avant que la saison commence l'année passée. Louis Leblanc, on l'a échangé pour un choix conditionnel. Hey, ça, de c'est-tu un calice de flop de marde? Mais finalement, Louis Leblanc, on l'a donné parce que le choix conditionnel de 5e ronde, c'est si. Choix. Dans mais le fond, ouais. Les Ducks nous donnaient un cinquième choix si Leblanc jouait tant de games de la Ligue nationale. Oh, mais vu qu'il n'a pas joué une crise de game, finalement, on n'a rien eu en retour. C'est un flop de premier de choix. Flop du début à la fin. Là, exact. Puis là, Peter Boudaille, que finalement, Tokarski a pris sa place, on échange lui puis Patrick Olin pour Eric Pagrédi. On aurait-tu pu garder Boudaille Calis comme deuxième goaler? Au lieu de Tokarski. Ça fait la job. Ouais, je l'aurais pris là, au lieu de Tokarski ou Scriven. Il me semble que Boudaille, là, je pense qu'il joue même plus Boudaille de toute façon. Là. Ben, il va bien, je pense, parce que je pense qu'il Il s'est blessé, mais je sais pas s'il revient. Là, il joue à Los Angeles, je pense que c'est le deuxième goaler à Los Angeles. Il était bon dans le vestiaire, tu sais. Ben, c'est un bon professionnel. Ouais. Selon Michel. C'est un gars qui amène bien le sac à dos. Puis l'année passée, tu sais, Marc, il faut qu'il nettoie des affaires. Là. Fait que là, il échange un contrat qui doit jouer. Travis Moen. Fait que le contrat qu'il donne de merde, il l'échange pour Sergei Gonchar. Sergei Gonchar a joué pendant une couple de saisons, puis à la fin de l'année, ils ont pu faire confiance. Ensuite, il échange René Bourque pour Brian Allen. Donc, on a échangé deux contrats de merde pour deux défenseurs de merde. Tabarnak, Brian Allen. Ensuite, vient la date limite des échanges. Okay? Là, on sait tous qu'on a de la misère à scorer sur le powerplay l'année passée. Fait que Marc Bergevin, sa journée de date limite des échanges, c'est Jack Nevins et un choix de 7e round pour Torrey Mitchell. Un choix de 5e round pour Brian Flynn. Fait qu'on a vidé tous les plombiers qu'il y avait à Buffalo. Puis Buffalo était dernier. Et puis, on a été chercher Jeff Petrie pour un choix de 2e round. Ça, c'est un hostie de bon move. C'est un bon move. Peut-être un peu de luck parce que Pitcher aurait pu aller ailleurs, mais je pense qu'il a aimé Montréal pour ça. Puis c'est sûr parce qu'à Montréal, au lieu de manger des roteux, tu manges des steaks avant la game. Fait que ça, puis la poutine au smoked meat. Oui, parce que là, il y a une poutine à son nom. Et puis, il doit faire plus d'argent avec la poutine que steak son salaire. Ça, c'est un de ses bons moves, par exemple. Ouais. J'avais oublié Patrick, c'est un bon move, mais ouais, moi aussi. C'est peut-être même meilleur que Subban, en fait, lui, parce qu'il est allé chercher. Là, fait. Quoi qu'il ait crissement mal joué hier. Mais... Ouais, mais là, c'est pas. Qu'est-ce que tout le monde joue mal. Tout le monde joue mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant notre été? On résume ça rapidement. On signe Mark Barberio. C'est son meilleur choix. Jeff Petrie. On signe George Holloway. On signe Thomas Fleischmann. Brian Flynn, Torrey Mitchell, toutes des progressions de contrat. On réclame Paul Byron au balotage. Un si bon move. On signe Dayton Beaulieu pour 2 ans, 4 millions. On signe Alex Galchenyuk pour 2,5 millions par année, si je ne me trompe pas. C'est 5,6 pour 2 ans. Et puis, on signe Thomas Plekanec pour la progression de contrat, 2 ans, 12 millions de dollars. Là, je veux venir à un point. Bon, ça y est. OK. Le dénouement, tout ça. Ça y est, finalement. Gauthier, là, ouais. Il avait bâti une équipe de marde. Oui. Marc Bergevin, il a prolongé, tabarnak. Ça, ça a eu l'air de pas être ça, mais ça, on se rend compte qu'il a fait bien des moves de marde, là, finalement. Là, l'équipe va vraiment pas bien. Okay? Je pense qu'on a été bernés parce qu'on a eu fucking Bob Gainey avec sa face de plâtre pendant des années. Puis là, Bergevin, est-ce qu'il arrive avec ses lunettes, puis il est stylé, puis il a l'air funny. On a vu un mirage devant nous autres. Aucune expérience. Ça, c'est comme un directeur aussi. Général aussi. T'es à Montréal, le plus gros marché de la fucking Ligue nationale de hockey. Tu vas chercher un gars qui a pas d'expérience. Il va aller chercher 10 gars, Asti, pour l'aider à le conseiller. Fait que pendant qu'ils sont dans les meetings, Asti, lui, on fait quoi? Lui, on fait quoi? Puis pendant ce temps-là, là, quand ils débattent, oh, devrais-tu le chercher, lui? Oh, il est déjà échangé. Oh, vas-y, au suivant, Asti. Là, OK, on se commande Saint-Hubert. Là, ça mange Saint-Hubert. Puis là, oh, Chris, il est 3h, tabarnak, il est trop tard. Les dépisteurs là, qui vont dépister là, des joueurs connus, style, mettons, je te donne un exemple, un vétéran. Mettons que le monde, les blogueurs, ils disent « Ah, Eric Staal, là, ils ont été voir la Caroline pour aller voir Eric Staal. » Moi, j'ai pas besoin d'aller dépister Eric Staal. Je sens en tabarnak que c'est que le gars, est-ce qu'il fait sa glace sacrément. Qu'est-ce que tu fais aller voir Eric Staal, calice? Pourquoi t'es allé voir pendant deux semaines en ligne, Jonathan Drouin. Jonathan Drouin est suspendu, tabarnak. Qu'est-ce que tu fais en Syracuse pour aller voir les hosties jeunes de Tampa Bay, tabarnak? Rick Dudley, là, d'après moi, là, ce qu'il aime, c'est voyager en avion. Okay? Puis il doit enlever ses souliers quand il arrive à l'hôtel, puis il trippe, il vient un orgasme quand il bouge ses orteils. Sacrement, Marc, t'as dépensé je sais pas combien de millions à Steve pour le 7e étage. Puis vous êtes même pas capable, sacrement, de closer un calice de deal. Marc Bergevin, c'est un gratteux, OK? Lui, là, c'est genre, je vais te donner... Il ramasse ses bouteilles vides. Moi, te donner Fleischmann pour Crosby. Là, il part demain, c'est une négociation. Le monde sont insultés ben raide. Puis la raison pourquoi on a engagé Bergevin, là, Jeff Monson l'a dit ouvertement, il y a des contacts. Hostie, c'est contacts, hostie, c'est tout du monde à qui tu leur comptes des jokes puis leur envoie des petites photos de cul, sacrément. Il s'en calisse-tu, lui? Tu sais, quand il appelle ses chums, « Hey, on fait-tu un deal? » Qu'est-ce que tu veux? Là, il propose de quoi? Puis le gars, pang ça, puis pang John Scott par la bande. « OK, hostie. » Puis pendant que t'es penché à signer le contrat, on va te le mettre dans le cul, Bergevin. C'est ça qui se fait faire par la Ligue en ce moment. Là. Fait que, terrible, terrible. Là, Marc, il a rajouté, dans le fond, il a prolongé la marde qu'il y a déjà à long terme. Là, on s'entend-tu qu'on devient vendeur? Là? On va-tu aller chercher un gars de location? Ça sert à fuck all. Ben là, il faut vendre. Là. Ça n'a pas de sens. Là. Puis, ben, le problème, c'est que, mettons, là... J'ai besoin que Bergevin va partir, moi, avant de faire un move. Donnez-moi trois gars qu'on pourrait vendre. Ben, qui valent de quoi ou qu'il faut vendre ou qu'on... Ben, mettons que ce serait le temps qu'on les échange, là. Nommez-moi trois gars vite de même, là. Toi. Pacioretty. Oh, tabarnak. Controversé, mais j'avoue que je suis pas en désaccord, vu son leadership. Pacioretty, je lance ça comme ça, là. Juste une petite parenthèse la sur valeur. Pacioretty, là. Ils ont voté les joueurs. Bergevin et Michel Therrien, sacrement, là, c'est le boss puis le coach, OK? On s'entend que t'es supposé être organisé. Ils se sont trompés de maison sacrément pour y annoncer qu'il était capitaine. Oui, c'est vrai. Asti, faut-tu être chaud, calice, pour faire ça? C'est le boss, asti! Je te dis, ma rumeur, mon potin de tantôt, ça explique bien les affaires. Dont ça, là. Chris, il était chaud, ils se sont trompés de maison. Alors, ils sont sur la brosse, puis... Il était chaud, les doigts jaunes. Puis Pacioretty demeure au quartier du Strand. Puis c'est pas un quartier où toutes les maisons se ressemblent. Toutes les maisons sont fucking différentes, là. C'est pas comme des maisons mobiles, elles sont toutes la même couleur, restées, puis ont toutes les mêmes calices de fleurs en avant, là. C'est toutes des maisons différentes. Elles sont vraiment épais. C'est ça pour dire, la question se pose, là. Pacioretty, est-ce que c'est le pire capitaine de la Ligue nationale en ce moment? Ah, oh, il est terrible. Il me fait fucking chier, Pacioretty, pour vrai, là. Une si bonne question. Il me décalisse à regarder jouer. C'est une question qui est très, très valable. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est aussi le pire capitaine? Parce que oui. Si c'est pas le pire, Asti qui est dans le top 3. Là. Écoute, à Montréal, on est bon pour avoir des capitaines qui parlent pas. OK, on a eu Caillou. OK, après ça, on a eu Brian Gionta. Béliveau, il parlait pas bien. Mais dans ce temps-là, t'as pas besoin de capitaine parce que c'est une équipe de All-Star. Moi, dans ma tête, là, mettons que tu nommes quelqu'un genre gérant ou capitaine d'une équipe en 2016, c'est un motivateur, Chris, qui parle au monde. « Hey, tu vois, on s'est bien allé. » Puis, tu sais, il est là comme... Hier, après, à la game, quand on s'est fait poter pour le 3-2, ouais. Pacioretty est arrivé au banc, puis il était comme « Ah, on va encore perdre ta maintenant. » T'as vu dans sa face qu'il avait comme décroché. Puis, il y a deux jours, je pense que c'était... On perdait 3-2 ou 2-1, whatever. Mm-hmm. On perdait par un but. On a eu un avantage numérique de 5 minutes. Ouais, on n'a rien fait. Puis, il patine comme un esti de mauviette. Il prend un tir de marde. Tu sais, il a le temps. On s'entend là, que ce gars-là, c'est eux, il y a des gars qui ont le meilleur wrist shot de la ligue. Mais là, oui, il a le temps, il y a la puck, il y a de l'espace. Il pourrait faire un jeu, il pourrait faire bouger la puck, il pourrait faire bouger le défenseur. Ce qui fait, pas un bon wrist shot, un petit wrist shot vraiment dégueulasse, d'impact du défenseur devant lui. C'est ça qu'il fait. Il n'y a pas le feu sacré. Il est dégueulasse. Hier, en breakaway, il y a eu quelques chances. Quand il arrive en breakaway, tu sais, dans le chest, tabarnak. Tu sais, dans le chest. Il tire dans le chest. Moi, je ferais ça, Asti. Un gars qui est supposé avoir l'un des meilleurs Richard de la T'es le capitaine. T'es censé être un marqueur. Puis là, je fais des guillemets là, pour ceux qui ont les pas de guillemets visuel. De podcast. Là. Un marqueur de 40 buts. Mon cul, Asti, il est dégueu. Il a déjà fait 40 buts dans la Ligue nationale. Fait que le monde peut pas vous dire que c'est un marqueur de 40 buts. Il est pourri. Il a pas le leadership. Il me fait chier. Est-ce que Pacioretty, mettons là, dans n'importe quelle autre équipe de la Ligue nationale, là, ce serait-tu un gars d'un top 3, ça? Deuxième trio, pas plus, ouais, moi, je pense. Merci. Deuxième trio. Il ferait très bien pour un deuxième trio. Puis à Montréal, on demande à lui de marquer tous les buts. Mais Asti, c'est pas un capitaine. Non, parce qu'il parle pas, Chris. Il parle pas. Ils l'ont mis capitaine parce qu'il se décourage. Il a pas de cœur. Il a pas le goût. Ils peuvent le contrôler. Il est déprimé. Il est déprimé. Il sait pas ce qu'il fait. Il vient de l'organisation du CH depuis le début. C'est pour ça un peu qu'ils l'ont mis, j'ai l'impression, là, parce qu'il y a une bonne éthique de travail, mais calisse, là. Tu sais, il me donne pas espoir, là. Non, moi non plus. Je le vois aller, je me dis pas, hey. Ah, les gars, ils veulent, tu sais, ils vont peut-être l'avoir. Il se lèvera pas dans la chambre pour faire un speech, il va se lever dans la chambre pour aller chier puis revenir. Eh non, c'est ça, c'est pas lui qui va se lever et péter des Sherwood dans le vestiaire, là. Non, non, il est pas capable, lui. Non, non, il va les plier, mais il... Je rappelle que Pacioretty, c'est un gamer. C'est un gamer, puis c'est également un homme allergique au gluten, on a appris aujourd'hui. Il risque de se faire des écharpes de 600 pétards. Aujourd'hui, il avait congé d'entraînement, les Canadiens, parce qu'on sait très bien que le CH joue calissement bien en ce moment, fait qu'il mérite un congé. Pacioretty était parti faire la promotion d'une boulangerie sans gluten qui est rendue associée. Là. Fait que ça pour dire. La belle philanthropie encore. C'est pas capitaine de la ligue. Hey! Puis d'après moi. On a un invité qui rentre dans le studio. Guillaume Corot, qui sera avec nous dans 15 minutes pour. Puis il était changeable en estime. La jase. Puis donne-moi donc deux autres gars. Chose. Pas les écouteurs, Guillaume. Oui, il vaut quelque chose, ça, je suis d'accord avec toi. Mais donne-moi deux autres gars. Plekanec vaut quelque chose. Plekanec, malheureusement, Bergevin l'a signé pour 2 ans ou 6 millions. Mais il vaut quelque chose. Non, le problème, c'est que mettons que les équipes là, qui achètent des joueurs à date limite des échanges, ils sont déjà à côté de sa masse salariale. Plekanec, il en vaut 6 l'année prochaine. Ben là, cette année, je pense que c'est 5,5, puis 6 l'année prochaine, on a une augmentation de 500 000 piastres. Fait que les équipes, mettons, qui se battent pour la Coupe Stanley, sont déjà à côté de sa masse salariale. Fait qu'ils veulent pas. Ben en fait, ta question n'est pas bien posée. La question, là. Qui est pas échangeable? C'est ça la question. Ben le problème, c'est que Bergevin, il a donné des contrats de 4 millions à tous des trous de cul. Oui, mais. Là, c'est rendu qu'il est pas capable de les échanger parce qu'il a donné des contrats de merde à tout le monde. La question, c'est pas qu'est-ce qu'on va avoir pour. Qui est pas échangeable en ce moment? Ben, Price, Subban, tu touches pas à ça. Galchenyuk, tu touches pas à ça. Gallagher, tu touches pas à ça. Petrie, tu peux pas le toucher. Petrie, tu touches pas à ça. Galchenyuk, moi, je l'échange. Ben, Galchenyuk, j'ai sous réserve, mettons. Là. Moi, Galchenyuk. Ça dépend ce que t'as en retour si tu fais ce move-là. Oh, oui, non, je suis complètement d'accord. Mais c'est pas sinon, ça s'arrête pas à la somme à liste, moi. Galchenyuk, c'est pas un intouchable. Tant qu'à moi, Gallagher, beaucoup plus intouchable que Galchenyuk. Galchenyuk, fait ta calice de ballerine. Asti, c'est bord de bande. Asti, qui me fait chier. Il y a pas un. Je vais m'emporter, mais il y a pas un joueur. C'est que j'ai jamais eu la chance de jouer avec des bons alliés depuis le début de l'année. Honnêtement. Arrête, Asti, arrête. Donne-moi-en un. Il les a toutes faites, les calices de position. Il est quasiment allé dans les nets, Asti. Ouais, on lui a tout donné. Il a rempli des gourdes d'eau, calice. Quand il était au centre, il jouait avec qui? Il est pas bon. Dans la gourde, l'eau, là, elle goûte la marde, Asti, quand il a serre. Il est pas bon. Asti, qui est pas jeune. Il a joué avec qui, à l'aile? Il fait sa poudre par l'oreille. Genre, il se comprend pas. Il est tellement. Est-ce qu'il est dommé? Il joue avec Simon puis Heller. Chris Heller, est-ce qu'il a déjà de la misère à se reconnaître devant le miroir? Il a joué avec Pacioretty. Il joue avec Plekanec. Il a joué avec Dernier. Il a tout joué, est-ce qu'il? Il a joué avec tout le monde. Il est prêt à rien faire avec personne parce qu'il fait juste la crise de ballerine autour des bounds. Est-ce qu'il m'énerve? Hier, là, son but, là, hey, wow. Est-ce qu'il a été mardeux parce que le gros, là, il a rien vu passer. Il a ouvert ses pads, ça passe entre ses jambes. C'était dégueu. C'était un shot directement sur lui, là. Dans le milieu du net, un esti shot de marde, c'est rentré. Gatchana qui me fait chier. Est-ce qu'il y a personne qui rentre dans ce slot canadien? Non, ils ont peur. D'après moi, au Centre Bell. Ils font le jump and chase pour au Centre Bell, la Zamboni, quand elle est dans la zone du Canadien, elle fait toute la zone. Quand elle est dans la zone adverse, elle fait juste le tour de la bande. Parce que dans le milieu, il n'y a personne qui skate là, calisse. Fait qu'il n'y a pas besoin de faire la Zamboni. Asti, club de marde, de broche à foin. Il n'y a pas un gars qui s'en va dans le milieu pour essayer un shot. La fois qu'il y en a un qui va le faire, Asti, elle va rentrer puis les gars, ils cliquent pas que « Ah, ben Chris, c'est pas une mauvaise idée. » Le dernier qui a fait ça, c'est vous le 3 game, Heller, il a pogné la pine. Bref. On est dans la marde parce que Bergevin, il a donné des contrats de marde à tous ces joueurs-là. Puis personne, Heller, il n'a aucune valeur parce que personne ne veut de son salaire. Yamlin, il n'a aucune valeur parce que personne ne veut de son salaire. Plekanec, ça ne sera pas facile, mais on pourra avoir de quoi en retour. Puis les joueurs qu'on va devoir échanger, c'est les joueurs qu'on ne veut pas échanger. Ben, Plekanec, on pourrait, on n'aura pas grand-chose contre. Ça ne me dérangeait pas d'avoir un choix puis un jeune. Je m'en fous, là. C'est tant que ça en aille. On débarrasse. Puis le pire, c'est qu'on sait que le problème à Montréal, c'est qu'on n'a pas de centre numéro 1. Puis tu signes toutes tes petites PD, tabarnak. Ils sont même pas capables de. Tu sais, Plekanec, il est bon, Plekanec. Je vais l'admettre. Mais c'est pas un centre numéro 1. C'est un gars. On donne trop d'importance à Plekanec. Puis en plus, tu signes Dernay à long terme, que j'ai oublié dans mes notes. Dernay, ça craint, il fout fuck all cette année encore. Plekanec, tu sais, il joue pas bien ces temps-ci, mais hier, il essaye. Tu le vois, il essaye, le gars. Il essaye, il fait ce qu'il peut, mais Chris, ça va pas bien. Ça va pas bien pour personne. En tout cas, pour. T'as autre chose pour le dossier? Ben, je vais en profiter pour dire aux journalistes qui ferment le gueule le crise de rumeur, puis je vais en profiter en même temps pour faire un de mes call-out. Ça se peut, j'allais mettre le bon soundboard pour que ça. Fait que tu mets ton gros doigt, on y va. François Gagnon. Tu proposes qu'on échange Subban contre un choix de première ronde. Moi, t'as dit quelque chose, toi, mon asti. Moi, là, j'échangerais tes hosties de donjons pour des chlorettes tabarnak. Comme ça, j'aurais pas envie de dégueuler quand tu me souris d'en face, asti. Chris d'épais, fermez toutes vos gueules. Vous êtes tous des hosties d'analystes qui s'assiedent sur un asti divan. Vous êtes même pas des sportifs, tabarnak. Point. Et sur ce, on va aller faire, je crois, le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. Il reste 10 minutes vraiment rapidement, on a juste deux petits points. Premièrement, Dennis Wideman, suspendu 20 matchs pour avoir crush-checké un arbitre dans le dos. C'est tellement une... Non, on finit dans 10 minutes, on va en prendre une bière après. C'est tellement une bulle au cerveau, aller, ça. Mais dans le fond, le gars, il va aller en appel. Hein? Ben, il est câble. Moi, j'ai vu la séquence, OK? Hey, tu as vu dans la presse c'est quoi, la séquence? Ouais, comment tu vas te défendre? Tu sais, comment tu te défends? Oh, je l'ai... Ben, ça, c'est son point, OK? Lui, il dit... ben, il s'est fait rentrer dedans, puis après ça, il dit « Oh, j'étais tellement perdu sur la glace que j'ai pas vu que c'était l'arbitre, puis hey, j'ai foncé dedans. » Il était super loin, puis il l'a crush-checké dans le dos, les deux mains sur le stick, dans le haut du dos, calice. Mais oui, puis je l'ai pas vu. Puis il n'y a pas d'autres personnes alentour. Non, non, direct devant le banc, là. Direct sur le bord, Chris, va t'asseoir, Resti, t'es étourdi. Pourquoi tu allais frapper un gars? Mais c'est ça, je suis bien content que la Ligue ait mis ses culottes là-dessus. Touchez pas aux arbitres, puis il y a un règlement, c'est Mark qui l'a sorti cette semaine, le règlement 40.2. Ça dit que si tu frappes un ref, c'est 20 games minimum. Fait que le temps qu'il y a eu pour donner la sanction... C'est 10 la game. Il y avait un, je comprends plus. Est-ce que la presse parlait de 10? Non, c'est 20. C'est 20 dans le PDF de la NHL des refs. C'est marqué 20. Okay. Je l'ai lu. Il s'est trompé, le gars, dans la presse. Ben oui, ils ont sûrement fait une faute de typo. Hein, c'était ton préféré. C'était Brunet qui a écrit l'article. Oh, le Chris. Mais c'est ça. Il est à tout le monde en parle. Ouais, si j'avais le fait, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que le seul... Pourquoi ça a été long avant de donner 20 games? C'est pour savoir si vraiment, selon la ligue, c'est intentionnel ou pas. Dès que c'est intentionnel, 20 games minimum d'attitude. Ouais, puis il va aller en appel pour réduire sa sentence. Mais fuck off, là. Mais la vidéo, l'incriminé 20 games, au ça bout, coûtait là. Cher, là. C'était genre 200 000 piastres en moins dans son salaire. Ah, ouais. Tabarnak. Mais là, c'est sûr que ça fait mal pour une équipe comme les Flames parce qu'ils se battent pour finir 10e au lieu de finir 8e. En tout cas, ouais. De la merde à pony, puis Bob Hartley, mais il est triste. En tout cas, fait que 20 matchs pour Wyman. Dernier point que j'avais, là, c'est par rapport au match des étoiles, la fin de semaine des étoiles. Premièrement, Subban, c'est un héros national. Si j'aurais une étoile à mettre pour le Canadien, je pense que Subban a fait une maudite belle job dans le match. Il était divertissant. Vraiment. Il s'est habillé en Jagger avec la mullet puis le casque. Il a fait le même move. Le même move puis le petit salut. Puis Jagger était crampé bien raide. Puis il y en a un qui était déguisé en Brent Burns. Je pense que c'était comme un gros Chewbacca. Chewbacca hein, ouais. Ouais, c'est Chewbacca qui... en fait, c'est Brent Burns qui s'est déguisé en Chewbacca. Même, parce que... Malade. Mais ça, c'était hot. Non, c'était un bon show. J'ai bien aimé ça. Puis quelque chose que j'ai retenu en regardant ça. Puis, ouais, t'avais des points positifs à donner à TVA Sport, je pense. Ouais, mais ça, je vais revenir après. Une première. Ouais, attends. Mais je vais revenir après, mais... Okay. Attends, je vais me saouler. Non, mais en parlant du match des étoiles, je regardais ça, puis tu sais, c'est peut-être mon œil de prof qui avec mon œil de... c'est peut-être très pédagogue et très gay, ce que je vais dire, mais... OK. Je regardais le match des étoiles, puis le concours d'habileté, surtout, là. Puis je voyais que les gars... Il y avait du fun, tu sais. Ouais. Il aimait ça jouer au hockey, puis ils niaisaient ensemble, ils riaient ensemble. Puis je trouvais ça le fun parce que les jeunes, puis tu sais, ça a l'air niaiseux, mais les jeunes à l'école, ils imitent beaucoup les comportements des athlètes comme ça. C'est leur modèle. Fait que t'arrives, puis c'est plate à dire, mais des fois, t'arrives dans, mettons que je joue au hockey à l'école, puis qu'il y a un joueur qui a donné un coup de bâton à quelqu'un, puis ça a fait les manchettes. Ben le kid, il va comme faire ça, il va l'imiter parce que c'est son modèle. Mais voir que le match des étoiles, les gars que pendant une game, ils vont se taper sa gueule, mais dans le fond, ils sont bien chummies, puis rendus au match des étoiles, ils sont ensemble. Ouais, John Scott a droppé contre Chupiki. Ils font des jokes, ils font des jokes, puis ils s'amusent. Puis tu sais, dans le fond, c'est juste une gang de petits gars qui s'amusent en jouant au hockey. Ben, je trouve ça le fun, puis je trouve que c'est une belle image à montrer aux jeunes. Puis je trouve ça encourageant, tu sais. Ouais, mais dans le fond, c'est des beaux modèles. Des joueurs, tu parles pas en bien de TVA. Là. Non, je t'ai pas rendu là. Mais ça, c'était mon premier point. Je trouve que c'était beau pour ça. Je suis d'accord avec toi. Je trouvais ça bien important. Puis deuxième point, c'est... Mais je l'ai juste... J'écoutais l'avant-match de... TVA Sport? Du concours d'habileté. Ils sont-ils des stickers en-dessus des yeux? Je voulais juste... TVA Sport, c'est une crise de gang d'incompétents. Mais Louis-Jean, il a fait un beau travail cette journée-là. Je trouve qu'il était pertinent. Il était intéressant. Puis il faisait un autre avec Batman. Puis il posait des vraies questions. Puis... C'est pas lui qui les écrit, question. Non, mais il est. Le pas gars, grave, c'est quand même lui qui est en avant de la caméra. Il a pas l'air d'une bine comme la voix qui parle à quelqu'un, comme Renaud Lavoie ou comme. Ben, name it, là. Mais il s'exprime vraiment bien en anglais. Puis c'était. Tu sais, j'ai trouvé que c'était professionnel comme entrevue. c'est une des premières fois que je vois que TVA Sports font une entrevue professionnelle ou font quelque chose qui a de l'air, qui a de l'allure, tu sais, que tu fais comme, bah, c'est des journalistes, puis ça a de l'allure, c'est respectable ce qu'ils font. Ceci étant dit, le reste de TVA Sports, c'est de la grosse crise de vidange, là. Mais ce moment-là, j'ai trouvé que Louis-Jean, ben, je lève mon chapeau à Louis-Jean, il a fait une belle job. Bon. Puis, side note, hein, on est pogné avec Batman jusqu'en 2022. Ouais, il y a un contrat à long terme. Qu'est-ce qui m'énerve? Ah, c'est pas grave. Puis, Mr. Batman. Savez-vous que Kevin Spacey, c'est un chanteur country? J'ai appris c'est ça. C'est quoi le rapport? Parce que. Ah oui, oui. Aaron Ekblad, il enlève son jersey des Panthers. Puis ouais, mais ça, c'est pas. Ça, c'est. Il y a un chant dans son cargo qui a dit ça, avec Kevin Spacey dans l'espace. Puis là, mon Félix Séguin, il dit « Oh, Ken. Monsieur Ken. Sort son chandail de chanteur. » Ouais, ça doit être un chanteur comme Drake. Là, je regarde, je dis « Chris, c'est Kevin Spacey, ce calice. » C'est son cas. Puis on peut-tu dire à Patrick Lalime qu'il arrête de faire des props à la voix puis qu'il commence à dire « Tel chanteur, il est bon, lui, il est bon. » Ah oui, il en a fait genre 800 pendant... « Écoutez la voix demain, ouais. C'est très important. » Chris, parce que le match des étoiles, c'est en même temps. Là. Non, c'était avant. Non, c'est en même temps parce que dans le fond, la voix commence à 7h30, je crois. Puis match des étoiles, c'était à 5h? C'était à 5h, mais c'était pas fini à 7h30. Ouais. Puis dernier point là, que j'avais par rapport au match des étoiles, trouvez-vous que John Scott a comme sauvé le match des étoiles un peu? Ben, je pense que ça a donné comme une cerise sous le Sunday, je dirais. Je trouve que la ligue est vraiment dégueulasse, par exemple, dans le cas de John Scott. C'était cheap shot de dire, joueur du match. Parce que puis l'étoile. Tu pars que. L'étoile à la NHL, Chris, il n'a pas joué une game depuis. Tu pars qu'il se fait voter par les fans. La ligue veut pas, il demande de pas y aller. Il dit, je vais y aller pareil. Il trade à Montréal, là, c'est dans un trade dégueulasse. L'envoie à Wise Caps pour l'empêcher de jouer. Ils font jouer pareil. Gagne le joueur, le MVP des All-Stars. Le joueur de la semaine, tabarnak. Le joueur de la semaine, c'était trop. Dans NHL. Puis le Canadien, après ça, il est comme « Hey, bravo, John Scott! » Il joue même pas pour le Canadien en ce moment! Mais non, puis les autres s'en calissent bien raide de lui. Le joueur de la semaine, c'était trop. MVP, c'était correct. C'était correct parce qu'il y a eu deux buts. Parce que le gars... Non, ben, tu sais... Allez lire son texte, d'ailleurs, à John deux Scott. Buts. Ouais, très bon texte. Ouais, c'est deux buts. On s'entend que le premier, il était même pas sur le cadre. Il tirait même pas sur le net, mais c'est le goaler qui a comme fait dévier dans son net. Puis le deuxième... En repli défensif, Kane, il a comme juste arrêté de patiner. Il l'a laissé aller. Ouais. Il dit, ah, vas-y, le gros, là, tu sais. Il a fait un beau shot. Mais c'est correct, parce que le gars, en fait, c'est correct. Ce que je me dis de. C'est le dernier MVP, des Mohicans des Eagles, lui-là. Là. C'est correct qu'il l'honore un peu. Il n'y en a plus race. Après. Là. Ce que je me dis, tu sais, MVP, il méritait, c'est que tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse ralentir la game, qu'il soit un flop, qu'il soit la risée de tout le monde. Puis le gars, il a pas mal paru, tu sais. Non, il était capable de suivre la game, il suivait à puck, puis c'était comme si c'était un zoo qui était au match des étoiles d'un côté. Je trouvais que c'était comme, mettons, ton voisin. Nous autres, on aurait eu l'air de Nasty Game de Cabochon. Ah, comparé à lui, puis lui, ben, c'est comme ça reste un joueur de la NHL. C'est comme Monsieur, Madame, tout le monde. Il me faisait penser à Dennis Quaid dans le film de Rookie, là. C'est ça qu'il écrit dans son texte aussi. Ouais, ouais, il dit que c'est un joueur comme tout le monde, puis tu sais, lui, a les skills pour être dans la NHL. Il s'est rendu. Le plus mauvais de la NHL, il s'est rendu à NHL. Ouais. C'est ça. Tu sais, ouais. Le gars, il avait sa place. Puis le gars, c'est un universitaire en plus. Puis tout le monde est épais, là, John Scott. Ouais, il est full brillant, là. C'est pas un goon dans l'arme en plus. Lui, il disait qu'il s'est mis à se battre parce qu'il avait comme plus le choix à un moment donné. Parce que les gars voulaient tout se pogner avec. Il a vu que ça faisait de quoi pour l'équipe parce que le monde était comme boosté vu qu'il avait gagné ses combats. Ben, ouais. Moi, je le rappellerai à Montréal pour finir la saison. Rendu là, tu sais. Georges Larac qui patine mieux. Ah ouais, ben, rendu là, ramène-les, on n'a plus rien à perdre. Moi, je le montre, tant qu'à ça, tu sais, au moins, t'auras pas été tradé pour ça rien. Va faire, ça va mettre des sourires dans la face des gars. Ça va te prendre d'achat à mort de t-shirt, là. S'il peut replacer un peu les gars dans le vestiaire, puis qu'il fasse que, tu sais, l'ambiance, le doigt. L'ambiance, c'est ça. Lui, il pourrait changer, comme tu dis, l'ambiance complètement. Il y a l'air d'un genre de funny guy, tu sais, qui fait des blagues, puis tu sais. Mais c'est ça, tu sais, ça peut rassembler un peu plus les gars. Si vous me permettez que je donne mes deux c'est un gars qui écoute jamais le hockey. Tout, t'sais. Premièrement, j'ai lu le texte de John Scott, c'est ça? Ouais. Quand même intéressant, un point de vue d'un athlète à la fin de la journée, parce que même si on aussi mauvais ou bon qu'il peut être, c'est un athlète. On s'entend que c'est ça. Tout à fait. Si tu regardes le football, la troisième ligne de football est là pour entraîner l'équipe, mais elle s'est rendue à NFL pareil. Ouais. Et pas dans AFL, elle est dans NFL. Elle est pas dans CFL, elle est dans NFL. Fait que le gars, c'est sûr qu'il a un talent, un minimum pour s'être rendu là. Quand la NHL... Il a gagné un concours de popularité. On s'entend que c'est ça, là. Non, ouais, totalement. Ouais. Ouais. Je pense que Price, il a eu ça dans sa première année dans la Ligue nationale. Mais Price, on s'entend que c'est un différent talent. Mais Price, il l'a gagné aussi, je pense, dans sa première année qu'il était rookie. Ils l'ont voté pour mettre dans les All-Stars aussi. Mais là, ils l'ont voté parce que il était comme bon une joke. Aussi. C'était en fait, John Scott, c'était une joke. C'est ça, c'est une blague qu'il a continué. Ouais. Moi, qu'est-ce que je trouve pas correct, c'est la réaction de la NHL à la blague. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce qu'on sait tous que c'est une blague. Même moi qui écoute pas hockey, on sait que c'est une blague. Les gars, c'est un bagarreur. Il n'y a pas d'affaire. On sait tous qu'il n'y a pas d'affaire au All-Star. Mais il est là. Have fun, laisse-le aller, tu sais. Comme Alex dit, le monde ne va pas au All-Star pour être bon. Ils vont au All-Star pour avoir du fun. Ouais, ça fait que là. Tu sais, vous pensez de la dernière année de Kovalev à Montréal? Quand il l'avait vu dans les All-Stars, il a montré à tout le monde que c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale quand ça y est. Parce qu'il avait du fun, c'était pas les médias, c'est pas une pression médiatique. C'est « I'm playing hockey with my friends, I'm having fun ». John Scott, d'un autre côté, il a juste essayé de faire ça. Est-ce qu'il devait être le MVP? Écoute, ben, c'est relatif pour la fin de la journée. On s'en fout parce que ça n'a pas d'impact. Oui, dans NHL, dans la semaine... Non, tu n'as même pas joué dans NHL. Ça a fait sa journée en crise. Ah, oh, ben c'est ça. Lui, ça a fait quasiment sa carrière. Lui, il va s'en aller en Gambada bientôt. Là, il a fini. Là, ouais, parce que sa femme est sur le bord d'accoucher. Ouais, ça. Il va dans un champ courant. Il lançait des pissenlits. Bon, lui, dans un sens, c'est quasiment la meilleure affaire qui aurait pu y arriver pour finir sa carrière. Mais la Ligue a été dégueulasse dans ce dossier-là. Puis je pense que la Ligue s'est sauvé le cul en le mettant MVP. Puis que ça a bien paru. Puis tout le monde était content de le voir. La Ligue a fait comme. Fio hostifio. Mais première étoile de la semaine. Des crédits pour ce qui est arrivé. Ouais, joueur de la semaine, selon moi, c'est une réaction des facteurs externes. Mais ça, c'est juste ridicule. À cause de sa lettre. Parce que première étoile de la semaine, t'as pas joué dans la Ligue de la semaine. C'est ça. T'as pas fait une game dans la NHL cette semaine. Non, il a juste joué au match des étoiles. Ouais, c'est comme si le gars il est blessé et il est dans le joueur de la semaine par compassion que t'as à l'hôpital. Hey, good job, tu guéris bien, man. C'est ça. Pauvre Price. Ouais, c'est ça. Hey, Price, by the way, Price. T'es le MVP. Si vous l'avez pas vu, allez voir son entraînement. Hier et d'aujourd'hui. Mercredi. À quel point il a l'air d'une bine sur ses patins. Il patine comme une graine, c'est dégueulasse. Il patine. Ouais, il patine comme moi. Il patine comme une hostie de mauviette avec son casque blanc chauffa. Il patine tout croche. Il vire pas pire d'un bord. Puis il croise. Tu sais, comme moi, je croise bien d'un côté, mais de l'autre côté, on dirait que je croise puis je shake en hostie. Mais c'est pareil. Tu vois qu'il croise puis comme oh, hostie, il va tomber. L'opérer, hey, oh. Rendu là, Price, arrête de niaiser. Hashtag opérer Price. Ouais, et là, t'as le temps, là, septembre, octobre, ça. C'est quand même loin. Là. On va savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais ça fait dur. Ouais. Puis comme ton dossier Bergevin, ça faisait dur à calice aussi. Là, C'est dépressant. Ben, j'ai hâte. C'est dépressant. c'est complètement dépressant. J'ai hâte, l'épisode 9, dans deux semaines, voir les gars chialer et réagir à tes propos. Puis, dans deux semaines, on va essayer de trouver une solution à ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on n'aura pas gagné une crise de game d'ici le prochain podcast non plus. Là, ça regarde mal, en tout cas. On joue contre les Oilers samedi, ça va faire Dave mal, ça. Disait qu'il y a 6 games entre les deux podcasts en ce moment, puis une 7e la soirée du podcast. Ça se peut qu'on en perde 7. Ah ouais, ça se peut. On va être rendu à 12 de perdus en ligne. On est rendu à quoi, 4-5? Ouais, à peu près. Là. On a 9 défaites dans les 10 derniers games. En tout cas, samedi, d'après moi, les deux prochaines, on les gagne pas, là, parce qu'on n'a jamais gagné une game au Super Bowl. Puis Ben Scrivens va gauler sûrement une de ces games-là. Puis Ben Scrivens va gauler samedi. Il va gauler contre Edmonton? Ben sûrement, il vient d'être là. Fuck. Puis on s'entend que McDavid, il vient de revenir et il a fait un asti de jeu. Ouais, puis vu que c'est un gars du Canada, il va vouloir performer à Montréal. Ça prend mes games au Sandbell. C'est ça. Ah, on va se faire laver. Fait que d'ici ce temps-là. Puis Bergevin, tu sais, excusez pour le monde qui veut la peau à Terrien, mais Terrien, ça sera pas avant cet été. Puis je pense qu'il va démissionner. Tu penses qu'il va partir avec Bergevin? Je sais pas si Bergevin va partir parce que là, mon son a l'air d'un crise de cœur parce qu'il a prolongé ce gars-là jusqu'en 2022. C'est le plus c'est le plus long contrat donné par un directeur général. Donné à un directeur général. Puis là, on vous invite à pas être découragé. Espère qu'ils vont reposer Price en fin de saison aussi. Puis qu'on va se craper. Ouais. On va se parler dans la loterie. Là, le monde, il y a des noms là, qui circulent là, pour les repêchages qui s'en viennent cet été. Là. Ben, moi, Austin Matthews, je le vois dans ma soupe parce que ce gars-là, c'est un Jonathan Toews. C'est un défenseur? C'est un attaquant. C'est un défenseur. Il n'y en a pas de défenseurs qui sont bons dans le top 10 selon ce que j'ai pu voir, mais je sais qu'il y a des Finlandais, c'est des Finnois, ça? Des Finlandais? Oui, en tout cas, des Finlandais. On s'en calisse. Il y en a un qui c'est. Des Finnois? C'est le prochain. Des Finlandais? Des Dauphinois, des gratins Dauphinois. Ouais, c'est ça. De quoi tu parles? En tout cas, le prochain Timo Selanne, ça a l'air qu'il est au prochain repêchage aussi. On le veut. Mais ouais, moi, ils ont pu finir dans la cave. Puis c'est en fait, ça. Parce que l'affaire, c'est on peut bien finir dans la cave, mais Timmins, il est chaud. Attention, Timmins, il fait ce qu'il peut. C'est le Bergevin qui prend sa décision. Ils prennent toute la même vodka. Il va aller voir tous ses amis, puis il va aller voir. Hey, Dudley, tu peux-tu checker sa feuille? Ouais, ils prennent la même vodka. La même vodka. Direct par la frimeuse. Fait que suivez-nous sur Twitter, @soirée du podcast, Facebook, la soirée du podcast. On vous invite à écouter aussi La Jazette. On s'en va enregistrer La Jazette numéro 42 dans 5-10 minutes avec Guillaume, que vous avez pu entendre en fin de match avec ses propos sur John Scott. Fait que on se revoit dans deux semaines. À la prochaine, tout le monde.